Impezanao, le scoutisme raconté à mon époque. Troisième épisode, devant tous, je m'engage. En tant que scout, tu t'engages. Ça fait partie, l'engagement, ça fait partie de l'éducation scout. Et donc, tu fais ta promesse. La promesse, c'est prendre l'engagement, dire devant les autres que, à son niveau, qu'on veut faire partie du groupe dans lequel on est, qu'on veut faire partie de l'association dans laquelle on est, et qu'on veut en fait tout simplement être scout, quoi. C'est vraiment affirmer, s'affirmer en tant que scout ou en tant que guide. Le moment de faire une promesse, c'est un moment solennel, c'est un moment important. C'est un moment qui demande de réfléchir sur soi. Après, c'est quelque chose qu'on fait à son niveau. Par exemple, quand on est, quand on a 6 ans, quand on a 7 ans, on promet pas la même chose que quand on s'engage, quand on est jeune adulte ou quand on a 14-15 ans. Voilà, je suis entre guillemets nouveau dans le scoutisme. Je veux adhérer aux valeurs de ma tranche d'âge, de mon équipe, et je souhaite m'engager pour continuer. Mais c'est pas un engagement au sens « t'as signé maintenant, t'es là pour tant d'années ». C'est pour nous, ça plus que cette signification. Ça prouve que t'es prêt à faire de ton mieux pour tout le reste de ta vie en soi, et que t'adhères à des valeurs qui te suivront peu importe si tu quittes le scoutisme. Il y a des gens qui passent leurs promesses avant de partir à l'étranger, par exemple. Ils ne seront pas forcément dans le scoutisme, mais du coup, c'est des valeurs qui se répéteront toute sa vie. Le fait de vouloir toujours faire au mieux. J'étais une petite fille compliquée, emmerdante, et une petite fille pas du tout sereine. Mon premier camp chez les Éclés, il ne s'est pas bien passé du tout. Mais vraiment pas bien passé du tout. Et pendant tout le camp, je voulais rentrer chez moi, et c'était une très mauvaise expérience. Et à la fin du camp, on nous a proposé de faire notre promesse. Et moi, je me suis posé la question, est-ce que je vais m'engager là, alors que j'ai envie de rentrer chez moi, etc. Et en fait, c'est devenu un bon souvenir. C'était pas un bon souvenir. Mais sur ce camp-là, je suis allée voir mes animateurs, et je leur ai dit, voilà, j'ai passé un camp horrible, mais je veux promettre aux EI que ça n'arrivera plus. Et je veux me promettre que ça n'arrivera plus. C'est le début de mon parcours aux EI, de la partie géniale de mon parcours aux EI. C'est maintenant que ça commence. Et je leur ai dit ça, et ils m'ont dit, si tu le sens maintenant, fais-le. Si tu attends d'avoir une belle expérience pour le faire, on sera là. Mais comme tu le sens, quoi. Et j'ai fait ma promesse sur ce camp, et depuis ce jour-là, j'ai avancé, ça s'est pas toujours bien passé, mais j'ai promis, et 6 ans après, voilà. Il est lourd de sens, le « voilà » de Ella que vous venez d'entendre. « Voilà » comme pour dire « ça y est, j'ai fait ma promesse scout, mon engagement, et maintenant que je suis engagé, je suis d'autant plus libre de faire plein de choses chouettes dans le mouvement, comme par exemple m'occuper de jeunes, d'enfants. Et ça, vous vous en doutez, ça demande une solide formation. » Et c'est le sujet du prochain épisode. Merci d'avoir écouté le 3e épisode de Impezanao, le scoutisme raconté à mon époque. Je suis Grégoire Dubois, j'ai produit et réalisé ce podcast disponible sur toutes les plateformes d'écoute et même sur YouTube, une série audio documentaire hébergée sur archive.org et distribuée par PodCloud. La musique a été composée par Timothée Mazurel, et dans cet épisode, vous avez entendu les voix de Ella, Clément, Vincent et Rosanna. Vos réactions, vos questions, impezanao@gmail.com et sur les comptes Twitter et Facebook du documentaire.